Jean-Pierre ne répond pas à Annick. Il regarde sa montre. Oh bah dis donc, ça ne va pas vite, hein. Ça fait longtemps que vous attendez ? Une bonne demi-heure. Oh, oh zut alors. Je peux pas rester, moi. J'ai un rendez-vous avec une super valise collier. Bah, je me sauve. Il s'en va. Ça fait longtemps que vous attendez ? Ça fait longtemps ? Ça fait longtemps ? Longtemps ? Ça fait longtemps ? Ça fait longtemps que vous attendez ? Ça fait longtemps que vous attendez ? Une bonne demi-heure, une demi-heure, une demi-heure, une demi-heure. Une bonne demi-heure, une bonne demi-heure. Est-ce qu'il y a longtemps que les jeunes gens attendent ? Une bonne demi-heure. Oh, zut alors, je ne peux pas rester, moi. Je ne peux pas rester, rester. Je ne peux pas, je ne peux pas. Je ne peux pas rester, moi. Je ne peux pas rester, je ne peux pas rester. J'ai un rendez-vous. J'ai un rendez-vous, un rendez-vous. J'ai un rendez-vous. Pourquoi est-ce que Jean-Pierre ne peut pas attendre ? Parce qu'il a un rendez-vous. Ah là là, il est puant ce mec ! Une fille super, mon Dieu, qu'il parle d'un cheval. Pour qui se prend-il ? Quel horrible dragueur ! Il s'imagine que les filles sont là que pour lui tomber dans les bras, peut-être. Il n'est même pas beau. Quel type d'idiot ! Moi, ça me tue des trucs comme ça. Bon, fille, n'est pas bien malin, mais dites offensif. Eh bien, c'est ça. Défends-le. Ah, vous êtes bien tous les mêmes, vous, les hommes. Tous aussi sexistes. C'est bien fait, toi, et mes lèvres, pas maintenant. Quand je vois des trucs comme toi, j'ai bien envie de m'inscrire, tiens. Oh là là, il est puant, ce mec. Ah, il est puant. Puant. Oh là là, il est puant, ce mec. Il est puant, ce mec. Comment Annick trouve-t-elle Jean-Pierre ? Puant. Ah, vous êtes bien tous les mêmes, vous les hommes. Ha ! Vous êtes tous les mêmes, tous les mêmes, tous les mêmes. Vous êtes tous les mêmes. Vous êtes bien tous les mêmes. Comment sont les hommes d'après Annick ? Tous les mêmes.